4. Les séductions de Monsieur Fulgence. Fulgence avait hésité, il en s'en souvient, lorsque ses camarades l'avaient mis au défi de faire paraître au banquet la beauté que les usages du quartier latin autorisaient à porter son petit nom. Ce n'était point qu'il eût trouvé l'engagement impossible, ou même difficile à remplir. Mais pour y parvenir, il fallait, déjà coupable d'une trahison, y joindre encore l'infamie d'une lâcheté et d'un crime. Et il avait été sur le point de reculer. Quand Thérèse eut été présentée et admise chez M. Dorvaux, Fulgence, que nous avons trouvé passant les vacances de Pâques à Saint-Georges, fut frappé de la beauté de la jeune fille, se montra auprès d'elle empressé et galant, et, forcé de retourner à Paris, remit à une occasion plus favorable l'exécution de projets qui étaient la conséquence naturelle de l'impression vive qu'il avait reçue. Il savait du reste que cette occasion n'était pas bien éloignée. En effet, M. Dorvaux résolut à s'établir définitivement dans la capitale, emmena Mademoiselle Mélanie, que ne quitta point sa femme de chambre, et Fulgence n'eut alors rien de plus pressé que de quitter la rive gauche pour prendre un appartement dans l'hôtel occupé par son père, au centre d'un des plus riches quartiers de Paris. La possibilité de voir Thérèse à chaque instant du jour ne fit que donner de nouvelles forces aux sentiments qu'elle lui avait inspirés. Et comme, avec une servante, il ne pensait pas qu'il y eût à user de grands ménagements ni à prendre des voies détournées, il lui fit un jour, dans les termes les plus clairs, sa déclaration, suivie de l'offre non moins précise d'un appartement en ville, d'un budget mensuel pour son entretien et d'une participation non interrompue aux plaisirs variés du bal public, du café chantant et de l'estaminet. L'indignation que lui témoigna Thérèse en recevant ces insultantes propositions lui causa une vive surprise sans le rebuter. « Elle réfléchira, pensait-il. Dans 8 jours, je la trouverai plus traitable. » 8 jours après, une seconde tentative eut aussi peu de succès que la première. Oh, « Oh, que faut-il donc pour arriver au cœur de cette vertu farouche? Doubler mes offres? Je les doublerai. » Il obtint pour toute réponse le mépris du silence. « Allons, je suis venu trop tard. » Mais il eut beau épier, observer, interroger, écouter, toutes ses peines n'aboutirent qu'à le convaincre de l'honnêteté de Thérèse. Une telle conviction était moins propre à calmer sa passion qu'à l'irriter. La vanité s'intéresse à une conquête que personne n'a pu faire. « J'en aurais raison par la ruse ou par la force, » dit Fulgence. La délicatesse des moyens était ce qui l'inquiétait le moins. Tout n'était-il pas permis, pensait-il, à l'égard d'une fille de rien? Comme Thérèse évitait avec soin Fulgence, celui-ci résolut d'employer tous les moyens possibles pour avoir un dernier entretien avec elle. Un soir, Thérèse était déjà retirée dans sa chambre. On vient de l'avertir que sa jeune maîtresse la demande. Thérèse veillait encore. Assise devant un petit bureau, elle achevait de répondre à une lettre de Marcel, la première qu'il lui eût écrite depuis qu'il s'était engagé, et qui lui était arrivée le matin enfermée dans une lettre du père Jérôme. Marcel, dans la persuasion qu'elle était toujours au village, lui promettait de magnifiques descriptions de Paris, où son régiment était sur le point d'aller tenir garnison. Puis il exprimait l'espoir d'aller, l'année d'ensuite, se battre en Algérie, ce qui devait lui procurer l'avantage de rapporter en mariage à sa bien-aimée au moins les galons de sergent, et qui sait, peut-être la croix d'honneur, avec une jambe de bois. Thérèse, brusquement interrompue, sort de sa chambre pour se rendre dans celle de Mademoiselle Dorvaux. Dans sa précipitation, elle ne songe point à refermer sa porte. Fulgence, qui rôdait alentour, se glisse dans la chambre de Thérèse. En apercevant sur le bureau une lettre dépliée, une autre qui vient d'être finie et qu'on n'a pas encore mise sous enveloppe, la pensée lui vient que cette correspondance contient peut-être le secret d'une indifférence dont il s'obstine à ne point attribuer le mérite à la seule vertu. Emporté par la curiosité, il s'approche et lit. « Je savais bien, dit-il, que j'avais à surmonter des obstacles plus sérieux que des principes. Un cœur défendu par l'amour ressemble à une citadelle pourvue d'une forte garnison. C'est difficile en diable à emporter. » Pendant qu'il lit, examine et relit la lettre écrite par Thérèse, un sourire, le sourire de Méphistophélès, se dessine tout à coup sur ses lèvres. Il a conçu un projet infernal dont il entame l'exécution. D'abord, il replie et serre dans son portefeuille la lettre de Marcel. Il sépare ensuite les 2 feuillets dont se compose la lettre de Thérèse. Il approche de la bougie, il réduit en cendres le premier. Il conserve le second où la signature de Thérèse figure au bas de quelques lignes écrites avec l'abandon d'un cœur aimant et sincère. Et maintenant attendons l'ennemi de pied ferme et jouons cartes sur table. Il était tranquillement assis quand Thérèse revint. À la vue de Fulgence, elle recule. « Vous ici, monsieur ? Moi-même. Pourquoi vous tenir si loin ? Ai-je donc l'air si effrayant que vous ne puissiez vous approcher de moi ?» Elle est sur le seuil de la porte. Elle s'y tient immobile, bien résolue, à ne point faire un pas en avant. « Monsieur Dorvaux, je vous prie de vous retirer. Quand il me plaira, Thérèse, il ne me plaît pas pour l'instant. C'est donc moi qui vais vous céder la place. Je vous donne ma parole d'honneur que je sortirai d'ici à votre première sommation, si vous consentez seulement à me prêter quelques minutes d'attention. Qu'avez-vous à me dire ? Voulez-vous prendre la peine d'écouter cette lecture ?» Thérèse eut comme un pressentiment qui lui fit peur. Fulgence lut ce qui suit en appuyant sur chaque mot. « Tu as été grand, dévoué, généreux. Je croyais t'aimer. Mais qu'était-ce que cet amour auprès du sentiment que la reconnaissance et l'admiration m'inspirent aujourd'hui pour toi, et dont je me fais une gloire de te renouveler l'aveu ?» Thérèse. « C'est ma lettre à Marcel, dit Thérèse, qui cherche avec inquiétude où Fulgence veut en venir. Une partie seulement, l'autre est anéantie. Monsieur Fulgence, tout ceci n'est qu'une plaisanterie, j'aime à le croire. Une plaisanterie ? Vous n'avez pas bien entendu, je le suppose, la phrase que je viens de vous lire ? Vous n'en avez pas pesé toutes les expressions ? Je n'ai point à rougir de ce que j'ai écrit à Marcel, qui doit être mon mari. À Marcel, d'accord, mais si c'était à un autre ? Que voulez-vous dire ? Rien que de bien simple et de très facile à saisir. Vous allez en convenir vous-même. Ce petit billet, ce poulet, si vous l'aimez mieux, écrit de votre main, orné de votre signature, ne porte ni nom ni suscription. C'est vrai. Que peut-il en résulter et que prétendez-vous en conclure ? Oh mon Dieu, la chose du monde la plus naturelle, c'est qu'une lettre dans de telles conditions s'adresse nécessairement à celui qui la possède. Thérèse regarda fixement Fulgence. « Quoi de plus simple à expliquer, poursuit-il, que ma générosité et que votre amour, grandi par la reconnaissance ? Aucune des personnes à qui je montrerai cette lettre ne s'y méprendra. « Vous ne ferez point cela, monsieur Fulgence, » s'écrie Thérèse avec effroi. « Et si j'envoie le billet à monsieur Marcel, avec l'accompagnement d'un commentaire de ma façon ? Oh, mais ce serait indigne, ce serait affreux !»« Ce serait de bonne guerre, » réplique froidement Fulgence. Thérèse demeure un moment comme anéantie. Elle se croit perdue. Puis son visage se révolte. Le rouge de l'indignation lui monte au visage, son sang bouillonne. Elle marche résolument à Fulgence. « Vous n'êtes qu'un infâme voleur, » lui dit-elle. « Rendez-moi ce billet. »« Enfant !» Il la repousse et met la lettre dans sa poche. « mon Dieu, » reprend-elle en se tordant les mains avec désespoir. « Vous avez donc perdu tout sentiment d'honneur ?»« J'ai résolu d'être aimé, et vous m'aimerez. Plutôt mourir. Faites donc ce qu'il vous plaira. De ce papier dont vous vous êtes emparé. Soyez lâche jusqu'au bout. Envoyez-le à Marcel, comme vous m'en avez menacé. Il ne lui parviendra pas, du moins, avant qu'une autre lettre de moi lui ait fait savoir combien vous avez été perfide et déloyale. Ressource bien incertaine, ma chère Thérèse. Et puis, avez-vous eu soin de garder dans votre souvenir le numéro du régiment, du bataillon, de la compagnie de votre cousin, ainsi que le nom de l'endroit où il est en garnison ? Et voyant qu'elle dédaigne de lui répondre, « C'est que je dois vous prévenir, ajoute-t-il, que dans le cas où votre mémoire vous servirait mal, vous ne devez plus compter sur la lettre de M. Marcel, où sont contenus ces divers renseignements. » Thérèse est confondue de tant d'effronterie et de cynisme. « Vous m'avez donc aussi volé la lettre de mon cousin ?»« Volé, soit. Je ne m'amuserai point à disputer sur les mots. » Il se fait un moment de silence. Puis Thérèse, éclatante en sanglots, tombe à genoux. « Au nom du ciel, monsieur Fulgence, ayez pitié de moi. Je ne vous ai jamais fait de mal. Cessez un jeu cruel. Rendez-moi la lettre de Marcel et la mienne. » Fulgence la contemple quelques instants avec un sourire de vanité satisfaite. « À mes genoux et suppliante, je savais bien que vous finiriez par vous rendre au conseil de la raison. Vous êtes un misérable. L'accès vous reprend, comme il vous plaira. Demain, vous aurez fait vos réflexions. » Il fait quelques pas pour sortir. En passant devant Thérèse, il s'arrête et lui dit « Soyez-y bien avec cette lettre. Je puis vous perdre quand il me conviendra. Et je n'aurai peut-être pas la patience d'attendre longtemps. » Lorsque demeurée seule, Thérèse se fut renfermée dans sa chambre. Elle joignit les mains en levant au ciel ses yeux baignés de larmes. « Mon Dieu, je m'abandonne à vous qui serez seule à savoir que ma conscience est pure. » Cette scène avait eu lieu la veille du jour où la proposition d'un banquet avait motivé l'invitation de Georges à ses amis. Patient et cruel comme le tigre qui joue avec sa proie, Fulgence se fit un amusement des tortures de Thérèse. Enfin, un commissionnaire vint remettre un matin à Thérèse le billet suivant. « J'ai été provoqué en duel. Je me bats aujourd'hui. Si avant la nuit je n'ai pas reparu chez mon père, j'aurais succombé. En prévision de ce malheur, et par un dernier soin de votre réputation, j'ai confié à Georges un paquet cacheté, avec mission de ne le remettre qu'à la personne qui se présentera chez lui ce soir à 8 heures, muni de ce billet, le dernier peut-être, qu'il me sera permis de vous écrire. Celui dont le cœur vous appartiendra jusqu'au dernier moment, Fulgence. En recevant ce billet, chef d'œuvre d'astuce, le premier mouvement de Thérèse fut pour la pitié. Ne devait-elle pas tenter d'empêcher ce duel en avertissant M. Dorvaux? Mais comment? Montrer le billet qu'on venait de lui apporter? Elle ne le pouvait sans se compromettre. Mais alors, d'où savait-elle que Fulgence allait se battre? Une réponse à cette question n'offrait ni moins d'embarras, ni moins de danger. Thérèse fut donc obligée de se résigner à l'attente. Elle passa la journée dans une anxiété inexprimable. Le soir vint, et Fulgence ne reparut point. « Mon Dieu, » fit Thérèse, le cœur serré, « pardonnez-lui comme je lui pardonne. » Alors une autre inquiétude s'empara de son esprit. Le paquet cacheté confié à Georges renfermait la lettre de Marcel et la sienne. Ce ne pouvait être l'objet d'un doute. Mais il fallait, pour l'obtenir, montrer à Georges le billet écrit par Fulgence, et ce billet était conçu de façon qu'il lui était impossible de le remettre entre les mains d'un messager. En le portant elle-même, elle avait au moins la ressource d'essayer de se justifier aux yeux de Georges par un récit sincère. Dans tous les cas, elle avait entendu faire tant d'éloges du neveu de M. Dorvaux qu'il lui était permis de compter sur sa discrétion. 8 heures allaient sonner que Thérèse était encore dans cette perplexité. « Allons, » dit-elle en s'armant de résolution, « Monsieur Georges est un honnête homme, il me croira. »